à bien fonctionner. Fait que non, c'est ça, je suis booké. Trouve pas, comment on trouve tes informations pour aller te booker? Ben, pour aller me booker sur Facebook, Alex Marchand. Sur Tinder. Super like it. Non, c'est parce qu'avant de sortir mon nom d'artiste, que tu sais, j'ai vraiment, il y a un branding autour de ça, puis il y a ah, plein ouais. de ça. Oh, j'ai déjà un logo de fait, puis tout. Ah oui? Donc, ben, c'est que j'attends d'être vraiment bon. Comme ça. Ah, c'est fou. Non, mais c'est vrai, t'étais la démo quand même. Mmh, exact. Ben c'est, oui. c'est que je veux pas lier une image à moi qui est pas encore prêt, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'une fois qu'il y a des trucs qui s'en viennent, gang, éventuellement, ouais, exact. Mais il y a une image, y a un branding autour de toi qui va être assez cool. Puis ça s'en vient, donc j'ai vraiment hâte. C'est, cool. Ben, tu nous en reparleras. Ah, ben, certain. Écoute, je vais vous tenir au courant, hein. Je viens pour ça. C'est non. ça, c'est ça, D'habitude, on parle de boisson, on parle de nightlife, on oui. parle de musique. De quoi est-ce qu'on parle, là? Ben, là, on va commencer par de la boisson parce que, tu sais, le temps des fêtes arrive. Puis là, j'ai ça, faire ça un 29 novembre, là, parce que moi, je suis toutes les personnes qui se disent que les tunes de Noël, premier dans les décembre. Épiceries, dans les commerces, les esprits de Cossin du Père Noël, c'est jamais avant le 1er décembre. Ouais. Je suis désolée. Mais là, j'ai manqué. Ben, Tania, parenthèse, Tania écoute de la musique de Noël dans ses écouteurs au bureau en ce moment. Ouais. Ah, mon tu sais, c'est Dieu. Fou, je joue pas de musique de Noël avant le 24 décembre. Ok, ben c'est mais elle. Je peux comprendre, mais au dedans. Moins. C'est ça, je peux comprendre, mais au moins elle le met dans ses écouteurs. Ouais. C'est vrai, oui. Elle respecte le public. C'est ça, on l'apprécie. Bon. Mais je les marmonne. Puis bien okay. souvent, Mathieu est comme, voyons. Ouais, c'est pas si pire que ça. Ah, t'es un 1st December, toi aussi. Hein? Ouais, ben moi, je dis, ouais, 1er décembre, même que je dirais des fois, j'aimerais mieux que ce soit le 15, mais tu sais, 1er décembre, je peux comprendre. Au moins, c'est un 12e de l'année, c'est assez, tu sais. Oh, oui. Mais je comprends la Thanksgiving américaine. Mm-hmm. Peut-être le jeudi du Thanksgiving, peut-être la musique de Noël pourrait commencer. Ça aurait été jeudi passé. Mais c'est là, pas la si plupart, la plupart des commerces, ça a commencé en fin de semaine. Ah ouais, okay, avec Thanksgiving, le Black j'en Friday. J'en ai entendu là. Dans le coin du 15, là, dans des magasins ah ouais. de grande surface. Ouais, ouais, ok. Ouais. Ah, excellent. Novembre. C'est, en fait, c'est ça, ma chronique aujourd'hui, ça va être une inspiration Noël, mais tu sais, il y a quand même derrière ça une inspiration un peu partie puis dégustation. Fait que tu sais, je me dis que c'est pas si grave que ça puis que je vois pas tant que ça contre mes principes. Donc, tu sais, dans la conciliation entre les principes puis la chronique. Donc, en fait, ça va être un 5 à 100 aujourd'hui. Des, un 5 à 100? Ouais, 5 okay. à 100 des meilleurs produits que j'ai trouvés récemment okay. dans le vin. Je, en fait. Je pensais que c'était 5 à 7, oh. mais. 5 non. à 100? Oui, 5 $ à 100 $ Ah, okay. Oh! C'est pas une émotion okay. 5 à 100, donc il n'y aura pas de top 4. c'est non, ça, j'ai l'air ici pour le reste de l'émission. Mais il faudrait que je fasse un jingle pour le 5 à 100, peut-être. Tu sais, éventuellement. Veux-tu en chanter un? Ah oh, non, c'est correct. J'ai pas de. 5 à 100! 5 à 100! 5 à 100! 5 à 5 Oh my god, les gars! Oh wow, c'était timé, j'adore pas ça. Donc, tout ça pour dire que oui, le 5 à 100 avec des produits de 5 à 100 parce que les étudiants ont des budgets variés. Ouais. Il y en a qui chauffent une BMW, il y en a d'autres qui chauffent une Lada. Tu sais, c'est normal, puis c'est correct. Puis il y en a qui donnent l'autre qu'on a tous dessus, c'est bien, oui, bien oui, correct. Oui, oui. C'est que, pour par respect pour ça, puis par idée cadeau, parce qu'une bouteille de boisson, ça se donne toujours bien. Toujours. Fait que, je vous dis que je vais commencer tout de suite avec le produit aux alentours de 5 qui est le Crama Regala, qui est une folie furieuse dans l'ensemble du Québec présentement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vin Sauvignon Blanc qui vient de la Moldavie. Je peux pas garantir que les gens qui ont confectionné ce vin-là sont bien rémunérés, puis ce vin-là est équitable. Ok, parce ouais. Parce que si tu considères qu'il est fait en Moldavie, qu'il est vinifié, qu'il est fait du temps dans des cuves, après ça, il est transporté jusqu'ici au Québec avec le taux de change, puis les frais de dédouanement, puis qu'après ça, on est encore capable de le vendre 6 $ et 15 faire de l'argent avec, pense que ça doit pas se vendre cher à Barry. Non, ouais. Ça doit pas. Non, c'est exactement. Donc, mais par exemple, le Sauvignon Blanc, je vous recommande pas le Cabernet Sauvignon personnellement, mais il y a des gens qui en achètent à la caisse. Donc, tu sais, c'est vraiment une question de préférence. Mm-hmm. Mais en tant que tel, le vin blanc, si vous avez 5 de budget à mettre sur une bouteille de vin, allez-y avec le Crama Regala dans le blanc. Vous allez avoir le 12% d'alcool, puis un petit goût agréable en bouche. Ben, un petit goût agréable. Crama Regala pour les moldus, c'est ça? La Moldavie. Ouais, les moldus, exactement. Il y a une partie de magicien dans le pays qui est. Qui est joué à la c'est pour ça que les gens l'achètent. Exact. Harry Potter, ça se passait pas vraiment à Londres. Donc, après ça, on va y aller tout de suite avec le vin aux alentours de 10 Et là, si 5 pour toi, c'était 6 et 15 plus taxes, 10, ça va être quoi? 13, 14, 15? Non, même pas, on est vraiment. Je pense qu'on est peut-être un petit peu en bas de 10 Ah, oh, okay. Ah non, on est vraiment. Tu sais, j'arrondis. Moi, ouais, je vois okay. ça. Parce que... On a vu ça. Ouais. 5 piastres, 6 et 95 plus taxes. Ah, 6 et 15, je tiens à le dire. Mais c'est parce que. En fait, il n'y a pas de 20 à 5 piastres. Ouais, non. Ben, c'est pour ça qu'on trouvait ça bizarre, une distance ouais. à 5 piastres. C'est tellement le fun! Mmh, ben, en même temps, je pourrais recommander, mettons, du. Shooter! Ouais, Shooter, il y en a qui se vendent à 2 piastres. Ouais. Ouais, mais. Des petites portions à la coche, c'est pas pareil.